La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Vous voulez voir la revue à la télé? Oh, ben, je veux voir le gars. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, édition du dimanche 25 mars 2018. Je vous propose ce soir une incursion dans l'univers sonore de Robert Normando, un créateur sonore d'importance qui a reçu les enseignements, entre autres, de Marcel Deschênes et de Gisèle Ricard. Il a aussi côtoyé Francis Daumont et je dirais qu'il rayonne depuis plusieurs années de par le monde. Robert Normando, c'est particulièrement illustré dans le domaine de la scène à travers des créations pensées pour le monde théâtral. Il a notamment travaillé avec Brigitte Henkens et Denis Marlowe. On peut dire que c'est un pionnier, un artiste de fond. Les albums titrés Puzzle et Tangram que je vous présente ce soir illustrent en quelque sorte la démarche acousmatique que Robert Normando aime nommer cinéma pour l'oreille. Alors, d'entrée de jeu, on écoute Robert Normando qui s'entretenait il y a quelques années avec Hélène Prévost au sujet de son travail de compositeur, de sa méthode de travail et de sa manière de côtoyer le son. C'est vrai qu'a priori, on peut penser que le compositeur n'a pas d'oreille interne. Il n'en a pas effectivement avant de commencer son travail, mais il faut qu'il la développe. Et donc là, pour moi, le travail de catalogage et d'organisation du matériau, c'est ma façon à moi d'apprendre mes sons. Il faut que je les apprenne, mes sons. Il faut que je les fréquente sur une base régulière. Et ça passe aussi par leur organisation hiérarchique. Et donc, en les découpant et en les nommant et en les classifiant, tout à coup, j'organise déjà le matériau. J'ai pu, tout à coup, 150 sons. J'ai 22 sons qui sont de premier plan, puis j'en ai qui sont de troisième plan. Donc, je ne m'occupe pas trop de ceux-là. Je vais d'abord m'occuper de ceux qui fonctionnent bien, ceux qui me plaisent d'abord et avant tout. Donc, je fais comme ça. Et ensuite, j'ai souvent travaillé avec un échantillonneur, qui est un appareil audio-numérique qui permet tout simplement, qui est en fait un support audio numérique qui permet de jouer en direct. Parce que je suis quelqu'un qui, malgré le fait que je ne pratique plus beaucoup la scène, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir une relation directe avec le matériau sonore. Je me considère pas comme un intellectuel de la musique. Je suis quelqu'un qui a besoin de jouer avec le son. Et j'ai besoin d'avoir une interaction directe avec le matériau. Et donc, je vais fabriquer très souvent ce qu'on appelle dans notre milieu des séquences jeux. C'est-à-dire que je mets en place un certain nombre, un environnement constitué de matériaux sonores, de traitements, etc. Et là, c'est de l'improvisation en studio. Et j'enregistre ces improvisations-là, et de ces improvisations-là démarre le travail de composition, en fait. Donc, c'est des improvisations très libres qui vont tout à coup me faire apparaître certains aspects du matériau que je n'avais pas soupçonné. Et là, tout à coup, je vais porter mon attention sur ceci ou sur cela et je vais raffiner, etc. Et peu à peu, la musique finit par s'organiser, par se construire. Par couche. Multipistage? Oui, tout à fait. Ah oui, absolument. Mixage après, comme en post-prod? Oui, ça dépend. Moi, je travaille beaucoup en multiphonie. Depuis quelques années, beaucoup de mon travail est basé sur la multiphonie, c'est-à-dire la possibilité de présenter des œuvres en concert sur multiples haut-parleurs, mais où chaque haut-parleur diffuse un matériau sonore différent, distinct de son collègue, si je puis dire. Donc, c'est l'orchestre de chambre, en quelque sorte. Et donc, moi, comme je travaille beaucoup dans ce sens-là, le mixage, il fait partie intégrante du processus de composition parce que chaque haut-parleur va exactement dire quelque chose. Il faut qu'il le dise exactement au bon niveau. Donc, le mixage est partie intégrante du processus quotidien de composition. Je ne peux pas mettre juste des pistes puis ensuite penser que je vais les doser les unes par rapport aux autres. Il faut que dès que je mets un son quelque part puis que j'en mets un deuxième, il faut que le rapport entre le premier puis le deuxième soit déjà le bon. Robert Normando, eh ben, c'est un compositeur acousmatique. Sa matière est le son, comme la pierre ou la glaise serait la matière du sculpteur au sens traditionnel du terme. En tout cas, c'est comme ça qu'il aime présenter son travail. Dans une entrevue qu'il accorde d'ailleurs à Alexa Voloshin, c'est en 2012, Normando souligne qu'il fait un art du son qui est fort proche de ce que fait un écrivain, un peintre ou un sculpteur. J'ouvre les guillemets, il dit « Le travail sonore me permet d'être autosuffisant, dit-il. Je suis seul dans mon atelier et au lieu d'utiliser des mots ou d'utiliser de la toile et de la peinture ou du marbre, j'utilise le son. Je ne peux pas m'asseoir à une table et écrire un signe sur un morceau de papier. Ce n'est pas satisfaisant pour moi. J'ai besoin d'être en contact avec le son et le son déclenche mon imagination. » Alors, je referme les guillemets. C'est Robert Normando qui parle. Eh bien, on vient d'entendre Éden. C'est une œuvre créée en 2003 pour la pièce de théâtre L'Éden Cinéma de Marguerite Duras. C'était mis en scène par Brigitte Henkens et présenté au Centre national des arts à Ottawa, ainsi qu'au Festival de théâtre des Amériques. Normando raconte à ce sujet, et là j'ouvre les guillemets, qu'il a imaginé une musique qui serait faite de très longues boucles sonores sur lesquelles il n'y aurait presque rien, quelques éléments musicaux épars, disséminés dans le temps et dans l'espace. Alors, la pièce débute sur un chant laotien paru sur le disque India Song et autres musiques de films que le compositeur Carlos D'Alessio a composé pour Marguerite Duras, publié par le Chant du Monde. On se souvient cette entrée en matière du magnifique film de Duras, India Song. Alors, Éden, c'est une pièce qui illustre bien cette idée de cinéma pour l'oreille que Normando explore depuis plusieurs années. Une démarche de création qui s'apparente à la méthodologie et au langage du cinéma par des jeux de montage, d'arrêt sur sonorité, de travelling sonore. Il a développé cette pensée dans un article qui est paru dans la revue Érudit que vous pouvez retrouver sur le web. Robert Normando, il a obtenu son premier doctorat en composition électroacoustique à l'Université de Montréal. On est en 1992. Il est professeur de composition électroacoustique à l'Université de Montréal. À son travail de compositeur de musique, de concert, s'ajoute pendant une vingtaine d'années celui de compositeur de musique de scène pour le théâtre, comme je l'ai dit notamment. On écoute dans cette veine une œuvre créée pour pièce de théâtre, la pièce de théâtre Mademoiselle Julie. C'est une pièce créée par August Strindberg. Bon, il y a tout de même presque un siècle et demi, mise en scène par Brigitte Henkens à l'Espace Go à Montréal, c'était en mai 2001. L'œuvre de Normando repose sur la sonorité de deux instruments à cordes, l'un à cordes frottées, la vielle à roues, et l'autre à archet, c'est le violoncelle. Alors, deux instruments qui traduisent deux âges de l'histoire de la lutherie, le premier appartenant à l'époque des sonorités rudes et grinçantes, proche du peuple, raconte Normando, l'autre évoquant le raffinement et l'élévation de l'âme proche de l'aristocratie. Alors, on écoute cette belle pièce de Robert Normando qui s'intitule « String des Bergs ». Thank you. particules sonores. Fragments de bruit. Au début, il y a eu le son. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. Toujours sur Robert Normando, il a composé au fil des ans un cycle d'œuvres de musique immersive qu'on dit multiphonique pour dôme de haut-parleurs, ce qui veut dire, si on résume évidemment, qu'à chaque haut-parleur est rattachée une gamme de sonorités complexes qui habitent l'espace. Donc on sent tout l'intérêt de Normando pour les sonorités spatialisées. À propos d'un atelier qu'il anima récemment à l'Atlantic Center for the Arts, Normando aborde la question de l'espace du son sous toutes ses formes, mais plus particulièrement sur la manière dont l'espace peut être intégré directement dans le processus de composition au quotidien. Alors, je considère l'espace comme un paramètre musical, dit-il, pas seulement comme une saveur supplémentaire. À mesure que l'espace intervient dans le processus de composition, ce paramètre modifie sans doute notre façon de penser la musique. Je ferme les guillemets, c'est encore une fois Robert Normando qui réfléchit à son travail d'artiste sonore. I'm not going to be able to do that.

On vient d'entendre Spleen, c'est une pièce créée en 1993 qui rappelle tout l'intérêt de Normando pour les voix, les onomatopées. Spleen, qu'on retrouve sur l'album Tangram, est uniquement composé à partir des voix de quatre adolescents de 16 ans. Ce travail sur la voix fait suite à une œuvre précédente intitulée Éclat de voix, qui utilisait comme élément sonore de base plusieurs dizaines de sons extraits du Dictionnaire des bruits de Jean-Claude Trey et de Yvon Dulude. Vous l'avez compris, Robert Normando a un parcours artistique impressionnant. Il a été compositeur en résidence à Banff, au Royaume-Uni, à Bourges en France, à Oslo en Norvège et à Santiago du Chili. Il a reçu de très nombreuses commandes de la BBC, du groupe de recherche expérimentale, le fameux GRM, et du Musée d'art contemporain de Montréal. Très récemment, il a reçu une commande de l'Orchestre symphonique de Montréal et de la Société de transport de Montréal dans le cadre du 375e anniversaire de la ville de Montréal. Alors, Normando a reçu trois prix Opus du Conseil québécois de la musique et l'Académie québécoise du théâtre lui a remis deux masques, meilleure musique pour le théâtre. Robert Normando est lauréat de nombreuses compétitions internationales, dont Ars Electronica, Musica Nova, Phonurgia et j'en passe. Alors, je vous propose pour terminer une réflexion de Normando sur la contribution de sa génération, et ce qu'il appelle la deuxième génération de créateurs sonores du Québec et ce qu'il appelle aussi l'École de Montréal, des propos qu'a recueillis Hélène Prévost en 2008, il y a une dizaine d'années. C'est une belle réflexion sur l'histoire des arts sonores du Québec et on écoute ensuite un extrait d'une œuvre majeure intitulée Tangram. Il y avait eu en musique électroacoustique, grâce à l'impulsion de gens comme Schaeffer ou même de Stockhausen, il y avait eu, je dirais, une certaine période de pureté, entre guillemets, en musique électroacoustique. Quand ma génération est arrivée, je pense qu'on avait envie de faire un tout petit peu éclater le genre. Et on est devenu, et probablement aussi parce que la majorité d'entre nous, en tout cas si je me réfère aux gens qui étaient étudiants en même temps que moi ici, par exemple, on venait tous plus ou moins de la scène rock, beaucoup plus que de la scène classique. Même si on avait tous une formation de musiciens, il en demeure pas moins que nos références culturelles étaient beaucoup plus proches de la musique populaire que de la musique savante. Et donc, je pense qu'il y a eu des emprunts qui ont été faits très clairement de notre part, par exemple, grâce à l'appropriation du rythme, qui était une chose qui n'existait absolument pas à l'époque en musique électroacoustique. Le beat. C'est sûr que quand on pense au beat aujourd'hui, la chose est un peu connotée parce qu'évidemment, on pense à l'omniprésence de la musique techno, par exemple, qui utilise une pulsion régulière. Moi, quand je pense au rythme, je pense au rythme tel qu'il a été utilisé chez certains compositeurs du 20e siècle, comme Stravinsky, par exemple. La musique de Stravinsky est essentiellement rythmique. Si on pense au grand ballet, par exemple, le sacre en tête, c'est une musique qui doit sa vigueur grâce au rythme. Et pourtant, ce n'est pas une pulsation régulière, on s'entend bien là-dessus. Donc, il faut faire la distinction entre rythme et pulsation. Donc, quand je parle de l'utilisation du rythme, c'est à ça que je fais référence. Ce n'est pas tellement la pulsation qu'au rythme, donc au fait de scander, en fait, le discours musical grâce au rythme. Je pense qu'on avait ce désir-là d'explorer un peu dans toutes les directions. Et c'était l'époque où on était très postmoderne, en fait. Donc, collage, montage, citation, etc., etc., sans aucune forme de censure. Et peut-être parce qu'on avait une situation privilégiée à Montréal, il faut bien le dire, on était loin de l'Europe, on était loin des fondateurs, et le milieu était relativement neuf et vierge. Les studios ont été fondés tardivement au Québec. Les associations de concerts aussi, si on compare avec la Fondation, hein, la CREC date de 78, donc 30 ans après les premiers essais de Schaeffer. Donc, il y a une certaine virginité de notre part. Donc, je pense qu'on y va à fond la caisse. Et cette esthétique-là qui s'est développée à Montréal, elle est reconnue, elle est nommée l'École de Montréal aujourd'hui dans le milieu de la musique électroacoustique. Et je pense que cette école-là n'aurait pas pu apparaître ni à Paris, ni à Londres, ni à Berlin. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir. Vous retrouverez le détail des pièces entendues sur le site lacrocheoreille.wordpress.com. Si vous faites lacrocheoreille sur Google, vous allez trouver facilement. Et je vous invite évidemment à être des nôtres dimanche prochain dès 21h sur les ondes de CKRL à lacrocheoreille. Alors d'ici là, eh bien, prenez le temps d'écouter les sonorités autour de vous. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. L'accroche-oreille vous a été présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique.